métaphysique. J'ai dans la tête des tonnes de pirouettes. Le saut de l'ange n'a pour moi rien d'étrange. Obsédé du pire et pas très prolixe. Elle se consume et tout bascule.